Section 5 de Pâques d'Islande par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Pâques d'Islande. Funérailles d'été. 4. Il n'y a pas de chapelle bretonne qui réalise mieux que celle de Port-Blanc le type du sanctuaire marin. Elle est bâtie au fond de l'anse, à mi-pente de la colline, sur une sorte de palier auquel on accède par une soixantaine de gradins creusés à même le granit, qui affleurent ici de toutes parts à travers la maigre écorce du sol. En bas est la fontaine sacrée avec son antique margelle aux trois quarts usée par une dévotion séculaire. Nul ne manque de faire ses ablutions avant de monter la fruste Scala Santa, où, les jours de pardon, les pèlerins ont coutume de se traîner à genoux. En haut, vous franchissez un échalier de pierre et vous pénétrez dans un enclos, nu, tapissé d'un gazon lépreux. Le mur d'enceinte, effondré par places, a désormais pour unique destination d'abriter les moutons égarés qui viennent chercher un refuge contre le vent, ou de fournir une zone d'ombre aux fillettes du hameau qui s'y réunissent pour jouer aux osselets entre deux classes. Aucune végétation arborescente n'y saurait pousser. Même la fougère, cette dernière et fidèle amie des terres déshéritées, n'a pu trouver à prendre racine en ce site ingrat. Jadis pourtant, elle s'y épanouissait, à foison, s'il faut en croire la tradition locale. Et voici dans quelles circonstances miraculeuses elle disparut. 7 navires, dit une vieille chanson, 7 navires, voguant de conserve, quittèrent le port de Londres pour faire voile vers la Basse-Bretagne, dans le dessein d'y débarquer et d'y mettre le peuple à mort. Mais Notre-Dame, Marie du Port-Blanc, a sa maison sur la hauteur. Elle a vu de loin les Anglais, elle ne laissera pas mourir son peuple. Il y a de la fougère autour de sa chapelle, et avec cette fougère, elle fait des soldats pour empêcher l'Anglais de descendre. Et elle lance vers le Port-Blanc 100 000 hommes armés, sinon plus. Devant des forces aussi imposantes, les pirates n'eurent d'autre ressource que de s'enfuir. Quant aux fougères, changées en soldats, la complainte ne dit pas ce qu'elles devinrent, ni si elles reprirent leur ancienne forme. En tout cas, elles n'ont pas fait souche dans la région. La chapelle occupe l'angle septentrional de l'enclos. C'est un vieil édifice de la fin du XVe ou du commencement du XVIe siècle. Elle se rencogne, se tapit, se terre presque, ainsi qu'une bête peureuse qui tremble d'être battue. Elle en a tant essuyé de bourrasques et de coups de vent. Sa pauvre échine d'ardoise en est toute gondolée, toute meurtrie. Les murs, tassés lourdement, s'élèvent d'un mètre à peine au-dessus du sol. Ils ont des tons de roche brute, sont hérissés de lichens, de mousse grisâtre, et les ruisselantes plis d'hiver y ont sculpté des vermiculures, des dessins étranges, d'extravagants hiéroglyphes. N'y cherchez point trace d'autres ornements, si ce n'est dans le porche et dans la fenêtre à rosaces du chevet. Mais l'intérieur surtout est saisissant. Un jour sombre, l'humidité d'une cave. Pour pavé, une mosaïque de galets. D'énormes piliers massifs des voûtes surbaissées, comme dans une crypte, des statues barbares de saints à demi rongées, pareilles à de très antiques idoles. Ça et là, des ex-voto singuliers, une touffe de varech, par exemple, arrachée de quelque récif, et à laquelle se cramponna sans doute quelque naufragé en détresse. Telle qu'elle, dans son délabrement et sa vétusté, les pêcheurs chérissent leur sanctuaire. Et s'ils le laissent en aussi piteux état, ce n'est point par incurie, mais au contraire, par scrupule. Ils croiraient commettre un sacrilège en touchant à la maison de la sainte, fût-ce pour l'embellir. « Voyez, Saint Gonnery de Plougrescant, vous diront-ils. Depuis qu'on lui a construit une église neuve, il est de mauvaise humeur et ne fait plus de miracles. Mieux entretenu, notre chapelle plairait moins à celle qui l'habite. Celle qui l'habite, c'est Notre-Dame Marie du Port-Blanc, cousine de Notre-Dame Marie de la Clarté, dont le sanctuaire fait face au sien, au sommet d'un morne parallèle par-delà le pays de Pérouse, et à qui elle va chaque année rendre visite par mer la veille de son pardon. C'est une vierge puissante, propice aux marins, secourable à leurs femmes, protectrice de ceux qui restent et de ceux qui s'en vont. Elle se dresse dans le cœur, au-dessus du maître-autel, une main appuyée à l'ancre de salut, l'autre tendue, la paume ouverte, pour conjurer le péril des eaux. Et elle trône, là, dans l'ombre, en sa longue robe de mousseline empesée, la tête sainte d'une tiare d'or. Il ne manque pas, sur cette côte, de vieux ou de jeunes mécréants qui préfèrent la messe de l'aubergiste à celle du recteur. Sous prétexte, les uns que le sermon est trop ennuyeux, les autres que le bourg est trop loin. Mais à cela même, leur premier soin, le dimanche, après s'être débarbouillés à l'auge du puits, est de monter, isolés ou par groupe, les marches qui conduisent à la chapelle. Ils ont prélevé dessous le prix d'une chopine sur leur prêt de semaine pour offrir à Notre-Dame une votive chandelle de suif. Et, tandis qu'elle grésille et flambe, en compagnie de 20 autres, dans le brûle-cierge tout maculé de larmes de graisse, ils font bien dévotement leur prière à l'étoile des mers, à la Madone blanche et enrubannée, immobile depuis des siècles, derrière le jubé qui ferme le cœur. Il paraît que Féchec Coz, la veille de son trépas, avait dit à Héry Laouénan « Tu t'arrangeras de façon que ma dépouille mortelle, avant d'être enfouie dans le cimetière du bourg, repose quelques heures dans la maison de Notre-Dame. » Or, décédé le mardi soir, il ne pouvait être enterré au plus tôt que le jeudi matin. Il dut passer un jour et deux nuits sur les tréteaux funèbres. Le mercredi, à la brune, le menuisier vint, avec la bière, quelques planches de sapin hâtivement ajustées. On étendit dans le fond une couche d'algues sèches, et là-dessus on allongea le cadavre cousu dans son suaire. Ainsi enveloppé, serré, ligoté dans le drap de toile bise, il avait l'aspect d'une très ancienne momie, et à vrai dire, il ne restait de lui que ce qui demeure du corps après l'embaumement, une peau noirâtre, durcie, bossuée par les proéminences des os. On lui suspendit au cou le scapulaire dont il ne se séparait jamais de son vivant. Puis, sur le linceul, à la hauteur de la poitrine, on épingla deux photographies, deux images pâles, effacées, que Nona eut toutes les peines du monde, tant ses doigts tremblaient à faire sortir des cadres qu'elles occupaient dans l'embrasure de la fenêtre. Les portraits des deux fils aînés, des jumeaux, disparus l'un et l'autre, dans un mystérieux naufrage. Dieu seul sait quand, Dieu seul sait où. Que leur ressemblance, à défaut de leur relique véritable, entrent avec moi dans la paix de la terre bénite, avait recommandé Féchec Coz. On mit encore dans la bière le chapelet et le couteau du mort, ainsi que le rameau de buis pascal que tant de mains avaient agité au-dessus de son dernier sommeil, et le couvercle fut cloué. Il était environ 9 heures. Le cercueil fut placé sur une civière rustique à laquelle s'attelèrent 2 porteurs, et Féchec Coz quitta le logis de ses ancêtres, où resta seul à brûler, dans le coin de l'âtre, une mélancolique chandelle de résine au vacillement fumeux. Le cortège se composait d'une 10aine de personnes. Nona marchait à grand-peine, toute secouée par une nouvelle crise de sanglots. Annie la soutenait d'un bras et pressait de l'autre contre son sein une bouteille d'eau-de-vie. Le temps, chargé dans l'après-midi, se résolvait en une pluie fine, en un brouillard dense et blanchâtre qui ondulait dans le noir de la nuit. Par instant, une fente soudaine s'ouvrait dans l'amoncellement des nuages et une filtrée de lune coupait la mer d'une balafre lumineuse, d'un mince ray d'argent. Puis, l'ombre retombait plus épaisse sur le paysage indécis, noyé de brume. Pour guider les pas des porteurs, Héry Laouénan s'était muni d'un fanal. Mais, pénétré par l'humidité, la mèche s'éteignit, et l'on avança dès lors à tâtons, entre les talus de l'étroit chemin de grève, pavés de pierres inégales, et semés de flaques où l'on enfonçait jusqu'à mi-jambe. À un moment, la veuve, s'interrompant de geindre, dit à sa fille « Tiens bon la bouteille, au moins !» Au pied de la rampe qui mène au terre-plein de la chapelle, on fit une halte pour permettre aux porteurs de reprendre haleine et d'essuyer du revers de leurs manches leurs faces ruisselantes de pluie et de sueur. Le concert des rainettes emplissait les prés d'alentour d'un bruit strident de crécelles que traversait par intervalle la note métallique et flûtée d'un chant de crapaud. Et très loin, roulait en sourdine la grande rumeur triste du flot descendant. L'unique fenêtre du sanctuaire, qui soit tournée vers le large, brillait là-haut, dans l'obscurité, comme un phare. Averti que le corps de Féchec Coz devait y être transporté cette nuit-là, des gens étaient venus par bandes, de tout le parage, plantés dans le brûle-cierge et dans les candélabres, des cires de toutes couleurs et de toutes dimensions. Avec commandement à Marivona Rouze, la sacristine, de les allumer sans faute, aussitôt teinté l'Angélus. Jamais chapelle ardente, selon la remarque de Laouénan, n'étincela de plus de flambeaux. quand nous franchîmes le seuil, des chauves-souris, arrachées par cet éclat inusité aux ténèbres séculaires de l'édifice, voletaient, aveuglées, éperdues, rasant le sol, se heurtant aux poutres, glissant de ci, de là, en zigzag rapide, du vol de leurs ailes furtives et ouatées. Sur le treillis de plomb de la maîtresse vitre, la statue de la Madone se détachait en clair dans sa longue vêture de gaze blanche. Semblait une apparition surnaturelle sur un fond de ramilles menues dans quelque forêt de rêves et d'enchantements. Les saints barbares, bariolés de peinture l'urage, crus, demeuraient comme en extase devant elle. Et cela faisait songer à des scènes d'autrefois, à ces vierges de la mythologie celtique, pour qui d'âpres guerriers se mouraient d'une silencieuse langueur d'amour sans désirer d'elles autre chose que la volupté tout idéale de respirer au passage leur parfum. Deux bancs, empruntés à un des cabarets du port, avaient été disposés au milieu de la nef pour servir de tréteau et recevoir le cercueil. Les veilleurs s'assirent de part et d'autre sur une espèce de corniche basse le long des parois, les hommes faisant face aux femmes. La prière en breton commença, acte de foi, acte d'espérance, suivi de l'oraison si plaintive du « Madoué, meso glararet » note, l'acte de contrition « Mon Dieu, je suis navré » fin de note. Les voix nasillardes chez les femmes, rauques chez les hommes, berçaient le cadavre au son d'une indéfinissable mélopée, pleine à la fois d'onction et de force, de douceur et de rudesse, avec des arrêts subis, des pauses inquiétantes, des recrudescences brusques et quasi farouches, qui s'apaisait peu à peu, s'atténuait en une sorte de trémolo confus, s'évanouissait enfin dans le silence. On pria pour le mort, pour ses pères et mères, pour ses aïeux lointains, pour le premier ancêtre de sa race. On pria aussi pour les ascendants de la veuve. On pria pour la parenté défunte de tous ceux qui étaient présents et, finalement, pour le peuple collectif, l'anonyme troupeau des âmes. « Disons encore un De Profundis », murmurait Marivona Rouze, renommée dans toute la région comme une incomparable réciteuse de grâce. Elle en dit 20, 30 à la file, du même ton posé, ne s'interrompant que pour laisser à l'assistance le temps de donner les réponses. Parfois, un marin, harassé de son labeur du jour, inclinait la tête, pris de sommeil. Mais un voisin le heurtait du coude et il se remettait à estropier de plus belle, d'un accent plus âpre, les versets latins. Un peu après minuit, il y eut un intermède et la veillée fut suspendue. Nona, tirant un verre de la poche de son tablier, fit le tour de l'assemblée, versa à chacun et à chacune une rasade d'eau-de-vie. Avant de boire, on prononçait gravement la formule d'usage « Paix et tranquillité à celui qui n'est plus ». À quoi la veuve répliquait, selon la coutume, « À vous de même, quand votre heure sera venue. » La distribution terminée, les femmes se groupèrent sous le porche, les hommes sortirent pour fumer, et le cercueil fut confié à la garde de Notre-Dame et des saints. La pluie avait cessé, les pêcheurs, à peine hors de la chapelle, remarquèrent avec une satisfaction évidente que le vent remontait. « Fais chaque cause, dit quelqu'un, aura du soleil sur son enterrement. Cela lui était bien dû. Certes, opinèrent les autres d'une seule voix. On s'assit sur les marches du calvaire, érigées au levant de l'enclos. Des lambeaux de brume traînaient encore dans le ciel, mais si diaphanes, si légers, pareils à une lessive de fées qu'on eût étendue à sécher au clair de lune. On apercevait tout au fond de la nuit une barre grisâtre, qui était la mer. Plus près s'étalait la grève, un chaos de choses indistinctes, un désert de pierres noires, de sable phosphorescent, de brousses mystérieuses reflétées en des eaux funèbres par des lacs couleur d'étain poli. Les îles semblaient d'énormes bêtes échouées, des monstres des anciens âges. Tout le paysage avait l'aspect d'un cimetière immense, peuplé de formes rigides et spectrales. Au haut, d'une crête voisine, le moulin à vent de Kergastel dressait en l'air deux grands bras immobiles, comme dans un geste de stupeur. Par instants, les pêcheurs secouaient leur pipe en la heurtant contre leur pouce et faisaient voler de fines étincelles. il s'était mis à deviser de Féchec Coz, rappelait certaines particularités de son caractère, ses mots familiers, des épisodes plus ou moins marquants de sa vie. L'un disait « Il y a bien 35 ans de ceci, Guillaume Féchec touchait à peine au midi de son âge. C'était un fier homme, avec un grand collier de barbe rousse autour de sa face sérieuse, le corps droit, souple, élastique et vibrant comme une amarre neuve. Sur sa recommandation, le capitaine de la Belle Nuit m'avait embauché en qualité de novice. Nous faisions les campagnes de la Baleine dans les eaux du Sud. Le lieu de notre hivernage était dans les mers polynésiennes, à l'île Wahou. Imaginez le pays du printemps éternel. Un vent chaud soufflait dans les arbres verts, des arbres pareils à des fougères démesurées. Ce soir-là, nous buvions, à leur ombre, du whisky, en regardant le flot brisé sur des écueils de corail qui nous faisaient souvenir des rochers de nos côtes. Soudain, une femme à la peau de cuivre parut, portée dans un palanquin, et, avec le joli parler des filles de ce pays, elle dit « Guillaume Féchec, au lieu de repartir avec les autres, voulez-vous rester avec moi ?»« Le capitaine consent, tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai. » C'était la reine, la veuve du roi, un peu bronzée mais appétissante, des yeux et des lèvres de plaisir, des reins superbes, entrevus à demi sous des mousselines qui flottaient. Les camarades poussaient Féchec du coude. « Vas-y donc, animal !» Il se leva et dit, dans le patois de l'île, qu'il baragouinait quelque peu, « Je regrette, reine, mais j'ai là-haut, dans la terre des brumes, une amie à qui j'ai promis le mariage et qui m'attend. « Je pleurerai donc, » murmura la reine Naïtéa, si bas qu'on l'entendit à peine. Elle fit un signe, et le palanquin, où elle était couchée, reprit le chemin de son palais de bois, sous la haute avenue des Palmes. « Demain, tu te serais réveillé, roi de l'île, » dit le capitaine à Féchec. Celui-ci ne répondit pas. L'année suivante, il épousait Nona Ménès. Un autre commença. « Pour moi, je reverrai toujours Féchec Coz tel qu'il m'a paru dans la circonstance que je vais dire. Nous faisions partie, lui comme second, moi comme matelot, de l'équipage du jeune André, une goélette latine qui portait mal son nom, car c'était, Dieu lui fasse paix, une pauvre vieille carcasse, aussi pourrie qu'un cercueil. On ne l'utilisait à cause de cela que pour des voyages d'été, pas trop fatigants. Ça donc, nous revenions, sur la fin d'août, de Kristiansand, avec un chargement de sapins, et nous roulions Kainkaa vers Paimpol, notre port d'attache. Une sale mer, cette mer du Nord, dure en diable, même par beau temps, comme du plomb fouetté. Et voilà soudain que le surroi se met à souffler. Le vent et l'eau, nous avions tout à rebrousse-poil. La barque virait, geignait, et, sans plus obéir au gouvernail, faisait les gestes fous d'une bête à demi noyée. On dut trancher les cordages à coups de hache pour ramener les voiles qui claquaient. Nous ne doutions pas que nous ne fussions perdus. Le capitaine jurait et sacrait. C'était Jean Carello, vous savez, une âme de pirate. Féchec, très calme, quoique un peu pâle, avait déjà commencé les prières à voix haute, debout, contre le bastingage. Mais, brusquement, il s'arrêta, les yeux écarquillés, nous montrant droit devant nous, dans un creux de houle, une grosse chose noire, un cadavre de navire qui tournoyait sur l'abîme, le cul en l'air. Quoique le ciel fût couleur d'encre, il faisait une de ces lumières livides des jours d'orage, où tout se dessine avec une extraordinaire netteté, et qui viennent, dit-on, du purgatoire ou de l'enfer, à travers le miroir des eaux. Une grappe d'hommes se cramponnait à l'épave près de sombrer. On voyait les grimaces désespérées de leurs visages, et jusqu'aux crispations de leurs bouches, dont le fracas de la tempête couvrait la clameur. Peut-être aussi ne criait-il point. Sur la barque, nous épelâmes distinctement Marie-Louise, P. C'est un Islandais de chez nous, dit Féchec, et, s'adressant au capitaine, faut-il essayer de leur porter secours? Pour les faire couler avec nous une heure plus tard, répondit Carello, ce n'est vraiment pas la peine. Féchec n'insista pas. Il sentait trop que nous ne pouvions rien pour eux, dans la détresse où nous étions nous-mêmes. Mais, au lieu de reprendre les grâces, il se courba pour rassembler la voile de misaine qui traînait à ses pieds, sur le pont. « Aide-moi, Jouan, » me recommanda-t-il. Je l'aidai machinalement à la traîner vers la poupe. Il en drapa tout le bordage d'arrière, où était gravé en lettres jaunes le nom de notre bateau et celui de son quartier. « Hein? Quoi? Qu'est-ce ? » demanda le capitaine. « Oh, une idée à moi !» expliqua Féchec. Il faut, du moins, être pitoyables à ceux qui se perdent là sous nos yeux. Vous ne tenez pas, je pense, à ce qu'ils sachent que des pays passent à côté d'eux et les regardent couler sans leur tendre la main. Nous passâmes, en effet, presque au ras de l'Islandais. Ces malheureux allongeaient vers nous leurs coups raidis, leurs prunelles convulsées. Le mousse, un petit de 12 ou 13 ans, gémit « Nandoué, Nandoué !» Note « Au nom de Dieu, au nom de Dieu !» Fin de note. Nous nous étions couchés à plat ventre, le nez dans les planches, les poings dans les oreilles, afin de ne rien entendre, de ne rien voir. Une montagne de mer nous rejeta, Dieu merci, à plusieurs encablures de ce spectacle. Un cri, toutefois, vint encore jusqu'à nous, un cri sauvage, tel que je vous souhaite de n'en ouïr jamais. « Écoutez, dit Féchec, ils nous traitent de cochons. Notre-Dame du Port-Blanc soit louée, ils nous ont pris pour des Anglais. » Et, la conscience plus tranquille, il entonna le « De profundis ». Ces récits de pêcheurs, faits à mi-voix, au pied d'un calvaire, à quelques pas du vieux sanctuaire marin transformé en chapelle ardente, respiraient un singulier charme qui vous remuait tout l'être, éveillait en vous des images étranges, des sentiments indéfinissables, un frisson tragique et mystérieux. Chapitre par chapitre fut relatée la vie du mort, et la conclusion unanime fut que, jusqu'à l'heure du jugement dernier, ni sur terre, ni sur mer, on ne rencontrerait probablement son pareil. Il était doué, dit Cloarec, le pilote, en manière de péroraison. Savoir ce qu'est devenu son livre, insinua quelqu'un. Laouénan demanda, un peu piqué, « Quel livre ?»« Eh, celui qui fut donné jadis à son grand-père, dans l'île du château. »« Par la fée des vagues, n'est-ce pas ? Et qui contient le nom de chaque flot, avec la formule à réciter pour se le rendre propice. Des bêtises, camarades, des cancans de ramasseuses de palourdes. Ce livre-là n'a jamais existé. » « Hum !» fit le marin en hochant la tête. « Il n'était pas comme tout le monde, ce Féchec. Il avait certainement des secrets pour enchanter les eaux. Rappelez-vous son naufrage d'il y a 5 ans, sur le Garecmeur, un rocher qui couvre d'ordinaire à demi-marée. Il y séjourna près de 12 heures. Un autre à sa place se fut noyé 20 fois. Lui, quand on le retrouva, grignotait une croûte de pain et n'avait pas un fil de mouillé. N'a-t-il pas avoué lui-même qu'à mesure que la mer montait, la pierre s'exhaussait sous lui, comme une jument qui enfle sa croupe. Vous vous en souvenez, voyons. « C'est vrai, » murmurèrent les veilleurs. « Et comment expliquer cela ?» Ils achevèrent leur pipe en silence, le coude appuyé au genou, l'esprit absorbé en d'obscures et troublantes méditations, agitant à leur façon, dans leur cerveau de primitif, l'insoluble problème des choses. 5. Cependant, l'immobilité du paysage autour de nous se faisait moins sinistre. Dans le ciel lavé, courait comme un frémissement d'aube. La mer montait doucement, semblait venir, souple et chantante, au-devant du jour. L'atmosphère s'imprégnait d'un sel vivifiant, et des odeurs d'herbes humides parfumaient l'espace. Aux vitres de la chapelle, entre les trèfles de granit, la lueur des cierges pâlissait. Un vol d'oiseaux blancs s'abattit sur le toit, y percha peut-être une minute, puis s'achemina vers l'Orient, rasant de l'aile la ligne sombre des pins, et laissant derrière lui, dans l'air fouetté par son passage, une espèce de remous vibrant. René Mao, le vieux pêcheur asthmatique, dit, entre deux quintes, « Ils vont avertir le soleil qu'il est temps de sortir du lit et de rouvrir les volets. » Il ajouta, sur un ton sentencieux, « Tant qu'on vit, il faut vivre. » On rentra dans le sanctuaire et chacun reprit sa place, le long du mur bas, jauni par le salpêtre, à la droite du cercueil. Les femmes, qui nous avaient devancés à leur poste, somnolaient encapuchonnées dans leurs mantes. Elles n'en continuaient pas moins à égrener leur chapelet d'un doigt machinal et à remuer leurs lèvres lasses, où flottait une prière inexprimée. Nona Ménès, veuve Féchec, dormait franchement, adossée à la chaire, avec la bouteille d'eau-de-vie en travers dans son tablier. « Elle est si accablée, la pauvre !» me dit Herri Laouénan, comme pour l'excuser. « Depuis 2 jours, elle n'a goûté aucun repos, et peut-être ce soir a-t-elle bu plus que de raison, pensant noyer ainsi sa douleur. » Seule, Annie demeurait rebelle à la fatigue. On voyait luire ses prunelles farouches, obstinément fixées sur le cercueil. Deux ou trois fois, elle se leva pour moucher les cierges dont les mèches commençaient à grésiller. Son ombre, alors, se profilait sur la muraille, fantastique et démesurée. Dans les courtils voisins, des coqs chantèrent. La sacristine sursauta, se frotta les yeux, regarda vers le chœur où la statue de la Madone s'empourprait d'une rouge lumière de matin naissant. « Dieu me pardonne, » fit-elle en se signant. « Un peu plus, je laissai passer l'heure de l'Angélus. » La corde de la cloche se balançait sous le porche. Marie-Yvonne à Rose s'y suspendit de tout son poids. Un coup sonore retentit, fit tressaillir la vieille chapelle. Puis les tintements tombèrent, menus et pressés, criblant la paix encore ensommeillée des campagnes. Des chapelles avoisinantes de Bugueles, de Saint-Guénolé, d'autres Angélus répondirent. Les dormeuses secouèrent leurs jupes, rajustèrent leurs coiffes, mouillèrent leurs doigts d'un peu de salive pour lisser les bandeaux de leurs cheveux. Une seconde rasade d'eau-de-vie fut servie par Nona Féchec. Mon tour venu, comme je refusais, en remerciant, l'humble femme en parut toute chagrinée. « Avez-vous donc quelque rancune contre mon homme ?» me demanda-t-elle, « que vous ne voulez point vider ce dernier verre en l'honneur de ses mânes ?» Laouénan ajouta, se penchant vers moi pour n'être pas entendu de la vieille, « C'est la plus grande injure aux morts et à sa famille quand on ne boit pas. Il faut boire. » C'était une libation sacrée. Je l'accomplis, de mon mieux, suivant les rites. La cloche s'était tue. Marie-Yvonne Arouse, agenouillée au pied du catafalque, récita l'oraison du matin. Après avoir appelé sur le travail des vivants la bénédiction de tous les saints du paradis celtique, elle improvisa une sorte de cantilène funèbre à la louange du défunt. « Celui-ci, Guillaume Féchec, disait-elle, a peiné pendant près de 80 ans. Sur terre et sur mer, il a toujours fait son devoir. Il a été un homme de grand courage et de bon conseil. Sa veuve le pleure justement. Il laisse une fille honnête et des amis nombreux. Dans tout le pays, il était estimé. Le sillage de sa barque s'est effacé sur les eaux, mais son souvenir durera dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Maintenant que sa journée est finie, qu'il reçoive son salaire. Evel se veso, Grete. Ainsi soit-il, prononcèrent les assistants. Un paysan, à figure glabre, se montra dans la baie du porche. « Allons, fit-il, il est temps, la charrette des morts est en bas. » C'était le bedeau du bourg qui venait procéder à la levée du corps. On redescendit le fruste escalier de pierre sous un joli ciel d'un bleu délicat, pommelé de blanc et fleuri de grandes houppes mauves, pareilles à des gerbes de lilas. Les chaumes des champs, les ajoncs des landes, étincelaient de gouttes de rosée. Des alouettes de mer volaient par bandes blondes dans la lumière rajeunie. De vers le Trévoux, Tréguignec, Trélévernes, des files d'hommes et de femmes dévalaient, en habits des dimanches, par les sentiers caillouteux, dans un bruit clair de socs et de sabots à talons ferrés. La charrette des morts attendait près de la fontaine. Une mince caisse peinte en noir, flanquée de roues énormes, et ornée d'une inscription bretonne qui disait « Je recueille sur la route le voyageur fatigué et je le conduis à l'éternel repos. » On y hissa la bière. Un adolescent prit le cheval par la bride, fit claquer son fouet et le convoi se mit en marche, sans cesse grossi de nouveaux arrivants. En tête brillait une longue et massive croix de cuivre, garnie de sonnailles qui tintaient sans discontinuer. Le bedeau chantait, le chariot cahotait. Le drap mortuaire, taillé dans une voile, se gonflait à la brise, comme sollicité par la nostalgie de ses aventures passées. J'accompagnais la dépouille de Féchec-Coz jusqu'au bois de pin qui couronne la hauteur, un peu en avant du sémaphore. Le petit bidet de montagne, qui emportait le vieux marin vers son lit clos du cimetière, cheminait d'un pas allègre, humant l'air vif, ouvrant tout large ses naseaux à la bonne senteur matinale. Et le cortège suivait, vaille que vaille, par groupes épars qui s'efforçaient de se rejoindre. Cela faisait au loin, sur la route grimpante, comme une série d'essaims échelonnés. On distinguait la grande Annie au milieu des autres femmes, telle qu'un cyprès solitaire parmi des touffes de genévriers. Le défilé dura près d'une demi-heure, puis la caravane funèbre disparut derrière un repli du terrain. Je m'en retournai vers le Port-Blanc, dans le vaste rayonnement des choses. Les toits d'ardoise des maisonnettes de pêcheurs, disséminés sur le coteau, s'allumaient au premier feu du soleil. Dans les airs des fermes, les batteuses ronflaient comme une ampleur d'orgue, et la poussière du blé flottait au-dessus des meules ainsi qu'une fumée d'or. Mais rien n'égalait la splendeur de la mer étale. Elle se déroulait à perte de vue, d'un mouvement paisible, harmonieux et vraiment divin. Ses courants glissaient autour des îles, nuancées de teintes fines, pareilles à de vivants colliers de nacre. Elle semblait se délecter elle-même dans la contemplation de sa beauté. Un mot de Féchec-Coz me revint en mémoire. « Moi, voyez-vous, j'aime la mer comme une femme qu'on désire et qu'on sait bien qu'on ne possédera jamais. » Fin de la section 5.